dans cette édition épicée de La Connexion. Wikipédia reçoit un don de 3 millions de dollars. Le système anticopie Blu-ray est déchiffré. Microsoft cible les tricheurs sur Xbox Live. Une mauvaise farce sur Craigslist. Et 50 Cent est de retour dans l'industrie du jeu vidéo. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à cette édition de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant deux heures, ben, on parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques minutes, ça va être le fil informatique. On va parler de plus ou moins bonnes nouvelles par rapport à la mise à jour de Windows Vista. On va aussi parler de Safari maintenant installé avec iTunes. Ça crée la controverse, surtout chez Mozilla. Mais avant de parler d'informatique, voici une pièce de Plastic Light. C'est Dolly. Dolly. Petit motor. À la connexion. 89.1 FM. Il a quitté. Plus ou moins démotivé, il est incapable de travailler. Mais je peux pas quitter ma vie de tacha, puis j'ai trouvé la clé. Descendre dans mon labo, puis mon journal, mon journal. Je veux déjeuner à toutes les heures. C'est de moi-même que je vais donner. Copie conforme de ma personne. Ça sert à rien. C'est de robots dont j'ai besoin. Plastic Light avec Dolly de l'album Je suis un robot. À la connexion, hein, c'est fou 89.fm maintenant, c'est le bloc F5 informatique. On parle des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine depuis les 7 derniers jours. On commence par Microsoft et Windows Vista parce que la mise à jour majeure SP1 du nouveau système d'exploitation Windows Vista est offerte depuis la semaine dernière et les critiques semblent plus nombreuses que les éloges. Destinée à régler les problèmes affectant le système d'exploitation depuis un an, la mise à jour semble en causer davantage. Plusieurs propriétaires d'ordinateurs affirment que depuis l'installation de cette mise à jour, les problèmes se multiplient, notamment au niveau de la compatibilité. Certains programmes ne fonctionnent plus et l'ordinateur redémarre à répétition. C'est probablement la raison pour laquelle Microsoft a décidé de soutenir gratuitement les utilisateurs. La firme offre un service technique jusqu'en mars de l'année prochaine, peu importe si l'usager a acheté sa copie en boîte ou préinstallée. Dans ce dernier cas, il faut communiquer avec le détaillant. Les demandes d'aide sont acheminées par courriel avec promesse de réponse dans 24 heures et même par téléphone si nécessaire à certaines conditions. Selon certains observateurs, c'est la première fois que Microsoft est obligé d'agir de la sorte, ce qui démontre bien tous les problèmes engendrés par Windows Vista. D'autres rappellent que dans le passé, la toute première mise à jour de Windows XP avait provoqué son lot de problèmes. Pour ceux et celles qui utilisent encore Windows XP, une troisième mise à jour majeure, SP3, est d'ailleurs prévue d'ici quelques semaines. Cette mise à jour doit corriger les bugs présents depuis la sortie de SP2, et selon les rumeurs, SP3 comportera des nouveautés en matière de sécurité qu'on retrouve sur Windows Vista. Officiellement, Microsoft vise toujours à abandonner XP au profit de Vista à compter du mois de juin, mais en pratique, plusieurs doutent que ça soit réalisable. Les experts affirment que la compagnie n'aura d'autre choix que de reporter une fois plus la date limite. D'ailleurs, un sondage réalisé en ligne par CNET auprès de 4000 internautes révèle que les gens ne sont pas pressés de passer d'XP à Vista. 46% des personnes interrogées affirment qu'ils attendront le plus longtemps possible. 31% disent qu'elles ne le feront jamais. 20% avouent être déjà passés à Vista et 2% disent que le temps est venu de le faire. Toujours au sujet de Microsoft, le géant de Redmond a beau être avant tout connu pour ses logiciels, il dispose tout de même d'équipes de recherche et de développement en matière de technologies matérielles. Celles-ci viennent de déposer un brevet sur une technologie permettant l'installation automatique de périphériques. Donc, lorsque vous branchez présentement un périphérique USB à votre PC, Windows installe automatiquement le pilote s'il le trouve dans sa base ou dans son catalogue de pilotes en ligne. Toutefois, si le périphérique n'est pas reconnu nativement par Windows, ce qui reste le cas de nombreux périphériques, dont les cartes de Tuner TV ou les périphériques de saisie, c'est à l'utilisateur qu'incombe la tâche d'installer le pilote logiciel et ce, manuellement, par exemple avec un CD. L'idée de Microsoft est donc d'ajouter à chaque périphérique USB une puce de mémoire flash sur laquelle le constructeur va stocker son pilote. Dès que le périphérique sera relié au système, le pilote va être installé automatiquement sans intervention de l'utilisateur ou consultation de la base de Windows. Naturellement, vu que la mémoire flash est réinscriptible, le pilote va pouvoir être mis à jour directement sur le périphérique, ce qui va faciliter son utilisation sur d'autres machines. En attendant de voir cette technologie se répandre, rappelons que certains périphériques en profitent déjà, comme le Tuner TNT de Pinnacle, le PCTV Flash Stick. L'article vient de Klubik.com. On passe de Microsoft à Apple. Parce que dans un billet du 21 mars sur son blog, John Lilly, le chef de direction de chez Mozilla, s'oppose à l'installation de Safari par le programme de mise à jour d'Apple, utilisé notamment pour les utilisateurs de iTunes. Il dit que cette pratique est tout à fait... que cette pratique fait mal à l'industrie, à toute l'industrie. Selon lui, Mozilla concentre beaucoup d'efforts autour de son programme de mise à jour. Mozilla, bon, étant la compagnie derrière Firefox, ceux qui font le furteur alternatif à Internet Explorer, entre autres, et à Safari, dans ce cas-ci. Il dit parce que c'est crucial que tous les usagers possèdent la dernière version de leurs applications par raison de sécurité. La fréquence à laquelle un usager met à jour un produit dépend grandement de la confiance qu'il a envers le fabricant du produit. Il dit généralement, lorsque l'usager fait confiance au fabricant, il installera la mise à jour et restera en sécurité. Toutefois, Lilly croit que Apple briserait ce lien de confiance en proposant l'installation de Safari, qui est un autre furteur Internet, et en cochant par défaut la boîte d'installation lors de mise à jour. Il souligne que plusieurs usagers de produits Apple ont installé Safari sans même le désirer, ce qui est mal, dit-il, et qui est à la limite de la distribution malveillante. Donc voilà, Safari qui vient avec iTunes maintenant, avec les mises à jour d'iTunes. On passe de Apple à Google maintenant. Sans surprise, AT&T et Verizon sortent grands gagnants de la course aux fréquences libérées par la migration vers la télévision numérique aux États-Unis. Compliqué, oui, mais quand même mise aux enchères par le régulateur qui est le FCC pour une somme totale d'environ 20 milliards de dollars. Ces fréquences libérées dans la bande 700 MHz permettront d'accélérer le déploiement du haut débit mobile aux États-Unis. Les résultats des enchères ont été rendus publics jeudi dernier. Verizon, qui est le second opérateur aux États-Unis, a obtenu des fréquences couvrant l'ensemble du territoire américain, ce qu'on appelle le C-Block, et ce pour 4,7 milliards de dollars, coupant donc l'herbe sous le pied de Google. Par ailleurs, Verizon a raflé 25 licences régionales pour 4,9 milliards de dollars. Son grand rival AT&T, le leader du marché et partenaire exclusif de l'iPhone d'Apple, doit se contenter de 227 licences régionales pour 6,64 milliards de dollars. comme ses acteurs. Google, bon, on le sait, c'est la référence des moteurs de recherche et des fournisseurs de liens sponsorisés. Ils avaient exprimé en 2007 leur intérêt sous condition pour ces enchères. À l'inverse de la pratique courante sur le marché mobile, Google s'est notamment déclaré favorable à l'interopérabilité des dispositifs et des services terminaux et applications. Beaucoup de termes techniques là-dedans. Les mesures adoptées l'été dernier par la Federal Communications Commission, qui est la FCC, visent effectivement à promouvoir la création d'un réseau haut débit interopérable et à faciliter la disponibilité de nouveaux services broadband sans fil innovants, mais n'impose pas aux détenteurs de licences de proposer aux tiers une offre de gros. Malgré tout, donc, Google reste optimiste. Le moteur de recherche pourrait finir par obtenir l'accès à un réseau mobile tiers sans avoir déboursé des milliards de dollars. Toujours au sujet de Google, Google a perdu une bataille en Europe. Le moteur souhaitait obtenir la protection de la marque Gmail, sa messagerie en ligne sur l'ensemble de l'Union européenne. Or, une décision du 26 février rendue publique cette semaine par l'Agence européenne d'harmonisation des marques l'en empêche. Le terme Gmail ressemble à une marque déposée en Allemagne par l'entrepreneur Daniel Gersh, qui s'appelle Gmail, mais avec un trait d'union entre les deux. Un système de messagerie, entre autres. Il y a un risque de confusion, a souligné l'agence. Les internautes pourraient croire que les marques indiquent la même origine commerciale. Google a lancé son webmail gratuit en 2004, 4 ans après l'obtention par Daniel Gersh de la propriété de sa marque Gmail en Allemagne. Google, spécialiste américain des technologies et de la recherche web, va-t-il faire appel devant le TPI à Luxembourg? On va suivre le dossier comme toujours. On suit d'ailleurs depuis plusieurs années Gmail, qui doit s'appeler Google Mail dans certains endroits du monde. L'article vedette de Clubic.com, le suivant vient de branchez-vous.com. On parle de Wikipédia. L'encyclopédia en ligne vient de recevoir cette semaine le plus important don monétaire de sa jeune histoire, selon Associated Press. La fondation Alfred P. Sloan a décidé de verser 3 millions de dollars sur 3 ans à l'encyclopédia en ligne, soit 1 million par année. Super en mathématiques, branchez-vous.com. La fondation a été créée en 1934 par Alfred P. Sloan Jr., qui était alors président et directeur général du fabricant automobile américain General Motors. Elle s'intéresse surtout au domaine de la science et de la technologie, du niveau de vie et des sciences économiques. Le don servira à assurer la pérennité financière de la fondation ainsi qu'à améliorer le contenu de l'encyclopédie en ligne. Les gestionnaires de Wikimedia, qui est la fondation derrière Wikipédia, compte entre autres investir une partie de l'argent dans l'amélioration de leur logiciel de base de données et dans l'embauche de nouveaux employés. Et je cite, « Nous croyons que cette annonce servira d'invitation à d'autres fondations pour nous aider. » C'est ce qu'a déclaré Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Ce don permettra également de prouver à nos détracteurs que nous n'avons pas besoin de la publicité en ligne pour que l'encyclopédie survive. Mentionnons que Wikipédia, dont le contenu est principalement créé par les internautes, a été fondé en 2001. Selon les statistiques de la firme Comscore, l'encyclopédie en ligne serait le 7e site Internet le plus consulté par les internautes américains. La fondation Wikimedia dispose d'un budget annuel de 4,6 millions de dollars pour gérer le fonctionnement de l'encyclopédie et de ses autres projets parallèles comme le Wiktionary, Wikiquote et Wikibooks. Et finalement, YouTube a dévoilé la liste des gagnants pour la 2e édition de ses YouTube Video Awards. Le prix du meilleur vidéoclip a été décerné à notre bon ami Tay Zonday pour sa chanson Chocolate Rain. On l'a déjà passé ici à la connexion, dans laquelle le chanteur de 25 ans répète sans cesse le même motif musical pendant près de 5 minutes. C'est vraiment hilarant. Allez voir sur YouTube, j'ai bien aimé cette vidéo-là. Chocolate Rain. Suite à la diffusion de sa vidéo, Tay Zonday était d'ailleurs devenu un phénomène de YouTube et a même présenté ses chansons lors de différentes émissions sur les grandes chaînes de télé américaines. La Obama Girl, qui vantait les mérites du candidat démocrate Barack Obama, n'a pas remporté le prix pour la meilleure vidéo politique, non. Ça a plutôt été décerné au très sérieux document Stop the Clash of Civilizations de l'organisme Avaz.org. La vidéo se veut un appel pour lutter contre la discrimination et les préjugés. Le prix de la vidéo, capté par un témoin oculaire, a été décerné à Battle at Kruger, qui montre une bataille épique entre les buffles, les lions et les crocodiles. La vidéo a été filmée en 2004 par les touristes David Budzinski et Jason Schlossberg lors d'un safari en Afrique du Sud. Parmi les autres prix, on mentionne celui du court-métrage qui a été décerné au film My Name is Lisa, alors que celui de la meilleure comédie a été remporté par le cinéaste Neil Cicierega pour son document The Mysterious Ticking Noise. Les gagnants des YouTube Video Awards recevront un trophée et seront invités à un événement à leur honneur dans les prochains mois. Pour voir l'ensemble des vidéos, allez voir le youtube.com/YTAwards07, YT pour YouTube, Awards avec un S07. C'est l'adresse Internet. Évidemment, tous les liens d'émission d'aujourd'hui et de toutes les émissions sont sur le www.unechance.com, qui est le site de la connexion. Voilà qui fait le tour pour vos nouvelles informatiques dans le bloc F5 informatique. Plus tard, on va parler de... Oh! Quelque chose de nouveau à la connexion. On aime ça. Les bonnes nouvelles CNX suivront juste après la prochaine pièce. Mais avant, voici le top 15 des mots-clés les plus recherchés de la semaine dernière. On fait rapidement les positions 15 à 6. Rapidement, comme si c'était quelque chose de nouveau à la connexion. 4 à 1, Your File Host, Remax, Recette, Desjardins, Emploi Québec, TVA, Loto-Québec, Accédé, YouTube. En 5e, ça monte avec Facebook. En 4e, c'est stable, Hotmail. En 3e, ça descend, Météo Média. En 2e, ça monte, les packs. Et en 1e, c'est Horoscope, tout à fait stable. Écoutez la connexion, émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans vos oreilles au 89.1 FM à Trois-Rivières. With what they get, but keep a clear, strong head. The flies are moving swiftly and the parents can care less. Cooper on TV. Our country's scared of everyone, our country's a machine. All your kids off to a war while we'll drink champagne. We'll work better when we're done, better when we're done, better when we're done, better when we're done, better. It's over now. What? Folks Home et No Way avec la pièce numéro 11 en fait du palmarès anglophone de C'est Fou. Maintenant, voici les bonnes nouvelles CNX. Oui, les bonnes nouvelles, CNX, cette semaine, on commence par Sony. Donc, depuis la semaine dernière, la compagnie japonaise Sony offre l'option Fresh Start sur son modèle Vaio TZ2000. Les clients qui la demanderont recevront leur ordinateur sans logiciel préinstallé, outre le système d'exploitation. Exit les versions d'essai, les logiciels en édition limitée et les utilitaires bidons. Qu'une copie fraîchement installée de Windows. Pendant quelques heures, l'option a été offerte au coût de 50$. Ça, c'était une mauvaise nouvelle. Sony a ensuite révisé son offre avec la controverse pour la proposer sans frais supplémentaires. Les clients qui la désirent devront toutefois commander Windows Vista professionnel au coût de 100$. L'option Fresh Start n'est présentement disponible qu'avec le modèle TZ2000. Ensuite, l'ordinateur de la maison est-il toujours en marche? Demande un article de canoë.com. Au bureau, les responsables de l'informatique ont-ils laissé savoir qu'il ne faut jamais éteindre son ordinateur? La réponse à ces deux questions est probablement oui. Et la raison en est simple, le processus de démarrage et de mise hors tension d'un ordinateur est long et complexe. Voilà. Or, des chercheurs de l'Université d'Oxford se sont mis en tête de trouver une solution à ce problème et d'inventer un bouton Power plus vert. Ils ont conçu un logiciel qui permet de démarrer et d'éteindre un ordinateur aussi simplement que d'allumer et d'éteindre une lampe. Par conséquent, fini le temps d'attente au démarrage et à la mise hors tension. Les chercheurs mettront leur logiciel à l'épreuve sur une période de 18 mois, après quoi, si le prototype est concluant, ils en permettront le téléchargement gratuit. Le but de l'expérience est double, réduire la consommation d'énergie et par conséquent réduire les émissions de CO2 dans plusieurs pays. Selon un des chercheurs, il est possible de réduire la consommation d'énergie d'eau d'au moins 50%. Lorsque l'ordinateur est sous tension, dit-il, sa consommation d'énergie est pratiquement toujours la même, peu importe si l'utilisateur écrit un texte, surfe Internet ou dort dans son lit. Notre logiciel permettra d'ajouter un bouton « on » et « off ». Ça peut paraître simple, mais en réalité, ce ne l'est pas, surtout dans les endroits où il y a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'ordinateurs. Les chercheurs soulignent qu'il y a 168 heures dans une semaine et qu'en général, l'ordinateur sert en moyenne 40 heures dans un bureau. M. Curtis prévoit des économies appréciables dans son environnement de travail. En ce qui concerne le parc d'ordinateurs de l'Université d'Oxford, nous prévoyons des économies d'énergie de 50% et une réduction des émissions de CO2 de 1500 tonnes par année. De plus, nous prévoyons que l'université économisera au moins l'équivalent d'un demi-million de dollars par année. Le projet en question intéresse plusieurs organismes. Il suffit d'imaginer des économies globales d'énergie qui seraient possibles de réaliser en distribuant ce petit logiciel à l'échelle planétaire. L'émission Canada's Next Great Prime Minister de CBC sera offerte sans restriction sur le réseau BitTorrent le lendemain de sa diffusion, une première nord-américaine selon la société d'État CBC Radio-Canada. Canada's Next Great Prime Minister est un concours télévisé annuel où de jeunes Canadiens offrent différentes façons d'améliorer leur pays dans le but de remporter 50 000 $ et le titre du futur grand premier ministre canadien. La finale de l'émission sera diffusée sur les ondes de la CBC. A été diffusée sur les ondes de la CBC le 23 mars. Ensuite, elle a été offerte sur le réseau BitTorrent dans une version sans DRM, sans Digital Rights Management. Ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser, la télécharger n'importe où et la lire partout. Selon les producteurs de l'émission, il s'agit de la première fois qu'un diffuseur majeur nord-américain offre du contenu de haute qualité, sans protection numérique, sur BitTorrent, le réseau de partage de fichiers. La personne responsable du volet numérique de l'émission, Tessa Sproul, a eu l'idée après que le blog Boing Boing ait mentionné une initiative semblable par un diffuseur norvégien au début du mois dernier, non du mois de mars. Selon le professeur de l'Université d'Ottawa, Michael Geist, si d'autres diffuseurs reprennent avec succès l'initiative de la CBC, le CRTC pourrait devoir faire face à de nombreuses plaintes d'internautes dont les fournisseurs d'accès comme Rogers et Sympatico présentement limitent la vitesse de téléchargement sur les réseaux de partage de fichiers. Voilà qui fait le tour pour les bonnes nouvelles, CNX. Maintenant, voici le top des jeux les plus regardés sur le OneUp.com, c'est-à-dire les jeux les plus populaires en ce moment. En cinquième position, God of War 3 sur la PS3. En quatrième, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. En troisième, Rainbow Six Vegas 2 sur la Xbox 360. En deuxième, c'est The Sims 3 sur le PC. Et en première position, on retrouve Final Fantasy VII Crisis Core sur la PSP. Tout de suite, voici une pièce d'un artiste de l'UQTR, Johan Stromer. Son album est éponyme et voici Western Exotic. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans vos oreilles au 89.1 FM. À Trois-Rivières et partout dans le monde sur le cfou.ca. Retour, Microsoft cible les tricheurs sur Xbox Live et Nintendo lance la Nintendo Wii en Corée le mois prochain. Tout ça et plus après la pause de la connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo au 89.1 FM. Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est fou, 89.1 FM. Dans quelques minutes, c'est le bloc F5 jeux vidéo. On va parler de Microsoft qui cible à nouveau les tricheurs sur Xbox Live. Mais avant, on s'en va écouter une pièce de Gatineau avec leur CD éponyme. La pièce s'appelle Rap Maudit. En passant, comme ça, ça vous intéresse d'aller lire les articles de l'émission, allez télécharger les logiciels dont on va parler plus tard, peut-être aller voir les sites dont on va parler dans la chronique autour du net. Tout ça est disponible en tout temps sur le www.unechance.com. C'est d'ailleurs là que vous pouvez télécharger la balado-diffusion, c'est-à-dire le MP3 de l'émission à chaque semaine. En même temps, il y a le poste d'écoute et les palmarès, c'est fou, les deux autres émissions que j'anime ici les vendredis matin à 10h et les vendredis soirs à 17h. Aussi, dernière petite chose, comme ça, la connexion, toujours en direct les jeudis matins de 11h à 13h. On rappelle les mardis matins de 9h à 11h. C'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission la plus rapide au monde. Et à chaque fois que je mets l'ouverture de Gatineau, je me rends compte qu'elle est beaucoup trop longue pour avoir tant de choses à dire. Il nous reste à peine 15 secondes pour parler. C'est bien. Plus tard, on va parler de Gibson. Hein? Gibson et guitare, là. Avec Guitar Hero, il y a comme une genre de controverse avec ça. On en parle en quelques secondes à la connexion au 89 FM. Dans vos oreilles, c'est maintenant qu'il n'y a pas à regarder ça. 2, 1, là. Feuille reste blanche, votre entrage vit à mon bouffard étage pour que le public, ben que je m'en saigne pour le poème, pour le poète, c'est l'intime. Vite dans le fond de la forme comme il faut, ça sent que mes sonnets sonnent. Finalement, faut que je l'embrasse. Parler de syndical, c'est toute la longueur de mes lignes horizontales. Mais la seule pause qui se pose pour poser, c'est brutal. Je laisse ça sortir, ou je le ravale. Je retiens-tu le flow, ou je m'en avale. Ben, joue sérieux. J'laisse tu libre, cours au mot qui est dans mon âme, des balles. La lit la littérature, qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites, c'est le même qu'on essaie de des silences tacites. Des vrais violents d'envergure, au fur et à mesure j'essuie la suite sur ma figure. Enfin l'ampe de jus qui s'agite, que par ma flamme l'endemme et que la flamme elle ressuscite. J'ai le pouvoir, me voir dans le miroir, l'encre noire, dans le blanc des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, à même mon écritoire, avec mon répertoire et la valade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Que ça soit, c'est beau, ouais, MC Berut et oh. J'attends le poème signifié. Certifié à mon talent, tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils, tout en défiant. Dans ma demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne pour moins de source d'angoisse. Que tandis des textes en terre que je laisse en ardoise. Comme des poèmes disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardon pour dire que c'est forêt pour mon éboise. Je l'excite, moi d'assister, mes vestis. Mes textes excités, à l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Le pourquoi je les chante avec tant d'intensité. Gatineau et Rapoudi à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo 89.1 FM. C'est fou! Maintenant, voici le bloc F5 jeux vidéo. Une nouvelle qui a marqué le monde vidéoludique depuis les 7 derniers jours. Dans une tentative afin de contrer la triche, Microsoft a annoncé qu'elle ciblera désormais les tricheurs via son service Xbox Live. Ainsi, non seulement les gamer score de ces tricheurs seront remis à zéro, mais ils porteront également une mention spéciale les identifiant comme étant un sale tricheur. Selon le directeur de la programmation de Xbox Live, Larry Major Nelson Herb, les tricheurs les plus sérieux ont vu leur gamer score être ramené à zéro. Depuis tout leur succès préalablement obtenu par ces joueurs, ne pourront être acquis de nouveau. Cependant, ça n'empêchera pas ces joueurs d'obtenir de nouveaux succès au sein d'autres jeux, mais au moins de les mériter peut-être. Par ailleurs, les tricheurs ont également été catalogués comme tels sur le portail Xbox.com. Ainsi, avant leur nom, vous verrez la mention « Cheater » sur le profil de joueur ayant triché au sein de jeux ou ayant modifié son gamer score afin d'avoir plus de points. D'ailleurs, le compte du joueur Strip Club DJ a été parmi les comptes modifiés par Microsoft avec ses nouvelles mesures. Strip Club DJ fut autrefois connu pour avoir été le premier joueur à dépasser les 100 000 points de gamer score, le sale tricheur. On parle de Sony maintenant, annoncé en fin de semaine dernière, la mise à jour 2.20 pour la PlayStation 3 est maintenant disponible. Donc, je vous rappelle la liste des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez maintenant découvrir. Les listes de lecture créées sous musique et photos peuvent maintenant être copiées avec leur contenu sur la PSP, la console portable de Sony. Le contenu peut alors être lu dans l'ordre défini sur la PlayStation 3. Le BD Profile 2.0 est maintenant pris en charge avec les BD qui prennent en charge BD Live. Et là, on parle de BD, là, ça c'est des Blu-ray discs, c'est les disques Blu-ray de nouvelle génération. Donc, vous pouvez maintenant accéder à du contenu Internet pour les disques Blu-ray. La fonction de reprise de lecture peut maintenant être utilisée sur les BD et les DVD, même si la PlayStation 3 a été éteinte ou si le disque a été éjecté. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, ça fonctionne seulement avec certains disques. Et finalement, la lecture de contenu DivX dépassant 2 GB est maintenant possible. De plus, les sous-titres sont maintenant affichables pour les vidéos en format DivX. Voilà pour la mise à jour de la Sony PlayStation 3. On parle de Nintendo maintenant. Les Japonais peuvent désormais télécharger 9 titres originaux conçus sur mesure pour la Wii, moyennant une contribution oscillant entre 5 et 15 $ par titre. La plateforme de distribution WiiWare, dont on parle depuis des mois, sera lancée en Amérique du Nord le 12 mai prochain. Contrairement à la console virtuelle qui vous permet de jouer à des jeux classiques, là, des jeux de Nintendo, de plein de consoles différentes, Sega a annoncé d'ailleurs que les deux premiers titres du Sega Master System seront Wonder Boy et Fantasy Zone, petite parenthèse, et qui vont coûter seulement 4 $ canadiens. Ça dit pas le c'est des dollars américains ou canadiens, mais bon, peu importe, c'est pas mal pareil. La chaîne WiiWare va proposer des jeux originaux et va concurrencer les plateformes de distribution Xbox Live Arcade et Microsoft de Microsoft et le PlayStation Network de Sony. Les 9 titres disponibles au Japon sont les suivants. Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King, Mina no Pokémon Bokujo, Dr. Mario and Saikin Bokumetsu, qui est la nouvelle version de Dr. Mario, ça va être très très bon ça. Kotaba no Puzzle Moshi Pitan, un puzzle évidemment, Lompos, un autre puzzle, Saku Saku Animal Panic, hein? Star Soldier R, Okiraku Ping Pong et Tenchi no Solitaire. Donc des jeux de puzzle, surtout des petits jeux faciles, des casual games qu'on appelle. Toujours au sujet de la Wii, si on en croit le site du Korea Times, Nintendo dévoilera la prochaine version, en fait la version coréenne de sa console Wii le mois prochain. La conférence aura lieu le 14 avril, précisément au Grand Hyatt Hotel de Séoul. Bien qu'aucune date officielle de lancement n'ait été révélée, le quotidien table sur une sortie pour le 5 mai à l'occasion du Children's Day en Corée du Nord, le jour des enfants, on peut comprendre. Donc la console Wii en Corée, voilà. On parle de Electronic Arts maintenant comme un coup de poing dans les parties de la grande entreprise, dit JXP.ca. Take-Two a demandé à ses actionnaires de ne pas vendre leur part à Electronic Arts. Avec une offre de plus de 2 milliards de dollars de la multinationale, plusieurs analystes se demandent pourquoi Take-Two a refusé, serait-ce de la vanité. Take-Two préfère citer dans un communiqué qu'Electronic Arts serait plutôt opportuniste face à la sortie prochaine du hit Grand Theft Auto 4. La compagnie mentionne aussi que l'offre était inadéquate par rapport au plan de restructuration de l'entreprise. Les représentants mentionnent aussi qu'il est difficile de subir une OPA, qui est une offre publique d'achat sauvage, et d'y réagir convenablement. Par contre, les analystes s'entendent pour dire que Take-Two ne trouvera pas de meilleures offres d'autres parties. Évidemment, on va suivre les développements comme on le fait depuis plusieurs mois ici à La Connexion. Maintenant, parlons de Guitar Hero. Ça fait quelques jours que la marque de guitare Gibson est en colère et proteste contre Activision, l'éditeur du jeu. Selon lui, Guitar Hero viole son brevet déposé en 1999 et visant à simuler une performance live avec un instrument. Sans nier l'existence du brevet, Activision s'interroge tout de même sur la pertinence de l'attaque de Gibson puisque les deux compagnies collaborent sur la série depuis maintenant plus de 3 ans. C'est en effet des instruments Gibson qu'on retrouve en quasi-exclusivité dans toutes les versions de Guitar Hero. Activision avoue connaître l'existence du brevet, mais estime que son jeu n'empiète pas sur celui-ci et que de toute manière, sa longue collaboration avec Gibson aurait dû lui permettre d'obtenir une licence tacite. En outre, l'éditeur de jeu qualifie de sournoise l'attaque de Gibson puisqu'elle arrive juste au moment où Activision aurait laissé entendre s'intéresser à une autre marque de guitare pour le prochain volet de sa série. De son côté, Gibson réplique que le brevet vient à peine de refaire surface dans ses papiers et qu'il est naturel pour lui de défendre ses intérêts. Tout ça se terminera sûrement devant un tribunal qui devra trancher entre les deux. Dans l'attente d'une décision de justice, Gibson a aussi porté plainte contre 6 grandes enseignes proposant Guitar Hero à la vente et donc empiétant elle aussi sur son brevet. Les 6 magasins concernés sont GameStop, Amazon.com, Walmart, Target, Toys R Us et Kmart. Autrement dit, les principaux vendeurs aux États-Unis, en Amérique du Nord. D'ailleurs, suite aux actions en justice menées par Gibson contre toutes les sociétés qui touchent de près ou de loin à Guitar Hero et Rock Band, Harmonix, qui est le studio à l'origine des deux jeux, a pris la parole et a répondu aux fabricants de guitares. Donc, voici la citation. « Il est regrettable que Gibson souhaite prendre part à l'immense succès des développeurs de Rock Band et Guitar Hero. Ce procès n'a aucun mérite et nous comptons bien nous défendre. Le brevet de Gibson, établi il y a près de 10 ans, nécessite un affichage tridimensionnel, un vrai instrument de musique ainsi que l'enregistrement d'un concert, alors que Rock Band et Guitar Hero sont complètement différents. D'abord, ce sont des jeux. Ils ne nécessitent pas de casque et utilisent une manette qui n'a que la forme d'un instrument et non un instrument en tant que tel. » Voilà donc ce que Gibson a dit. Ce que Harmonix a répondu à Gibson. Gibson est en feu. On continue dans ce bloc-là. Non content de poursuivre en justice Activision et 6 grandes enseignes de vente suite à Guitar Hero qui violerait l'un de ses brevets, le fabricant de guitares s'en prend aussi à Electronic Arts et Harmonix pour les mêmes motifs, mais appliqués cette fois à Rock Band. Selon Gibson, des tentatives de négociation auraient été tentées pour décerner une licence d'exploitation au jeu, mais elles n'auraient pas abouti. Du coup, tout le monde se retrouve au tribunal. C'est pas très rock'n'roll, dit l'article de jeuxvideo.com. Ubisoft a annoncé qu'elle a conclu une entente avec l'écrivain Tom Clancy afin d'obtenir tous les droits des produits reliés au nom de l'auteur dans le but de les exploiter à travers différents médiums, dont les livres, les films et les jeux vidéo. Cette entente, qui n'a pas de durée, donc elle est illimitée, permettra à Ubisoft d'éviter de payer des frais de royauté en utilisant le nom de Tom Clancy à l'avenir. Selon la firme, ça lui permettra d'économiser au moins 5 millions d'euros par année. Après 10 ans d'une collaboration fructueuse qui a permis la création de blockbusters tels que Tom Clancy's Splinter Cell, Tom Clancy's Ghost Recon et Tom Clancy's Rainbow Six, devenus des références dans l'univers du jeu vidéo, l'acquisition définitive des droits liés au nom de Tom Clancy pour les jeux vidéo et les produits dérivés constitue une étape majeure pour Ubisoft. C'est ce qu'a déclaré Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft. L'avenir de notre industrie dépend de notre capacité à créer des marques qui captivent les consommateurs, puis de les décliner sur l'ensemble des supports de divertissement, des jeux vidéo aux livres en passant par le cinéma et tous les autres médias. Et je cite encore, la marque Tom Clancy est connue dans le monde entier pour les expériences extraordinaires qu'elle offre à travers ses jeux vidéo, ses livres et ses films. Le récent lancement du livre End War, inspiré du jeu vidéo du même nom et qui figure depuis 4 semaines dans le classement des 10 meilleures ventes de romans du New York Times, illustre parfaitement le potentiel de création de valeur que peut offrir une telle marque. Voilà, au cours d'une conférence tenue le 20 mars en après-midi, Yves Guillemot d'ailleurs a déclaré que l'acquisition du nom Tom Clancy a avant tout pour but de tracer la voie pour un jeu massivement multijoueur basé sur l'univers créé par l'auteur. Ça excite bien des gens. L'obligation, oui, pour Ubisoft de payer des frais de royauté si elle utilisait le nom de Tom Clancy l'a empêché jusqu'à aujourd'hui d'aller de l'avant avec ce projet-là. Toutefois, avec cette acquisition, Ubisoft pourra démarrer le développement du jeu massivement multijoueur basé sur l'univers de Tom Clancy, dont le budget sera de 40 à 50 millions de dollars. L'article vient de hardgamers.com. La Cour suprême de Floride en a visiblement ras la casquette de voir débarquer l'avocat Jack Thompson dans ses tribunaux et vient de sanctionner ce dernier parti en croisade contre le jeu vidéo qui s'est mis en tête de harceler Take-Two, allant jusqu'à devenir actionnaire de façon à pouvoir siéger à son conseil d'administration. Non mais faut-il pas être diabolique pour infiltrer un conseil d'administration comme ça. Jack Thompson, méchant garçon, jugeant qu'il a usé et abusé de la cour, cette dernière n'acceptera plus de juger les affaires qu'il lui présentera, à moins qu'elle n'ait été contresignée et présentée par un autre avocat. Gageons que Jack Thompson va se trouver un ami avocat. Sachez par ailleurs que Thompson fait toujours l'objet d'un procès en vue de sa radiation du bureau de Floride, toujours en raison de son acharnement jugé anormal contre une industrie. Jack Thompson qui, depuis des années, allez voir sa page Wikipédia, juste pour vous renseigner sur l'historique de Jack Thompson. C'est assez cocasse, cet homme. Premièrement, ne joue pas à des jeux vidéo. Et l'admet lui-même. Je n'ai jamais joué, mais on m'a dit que Grand Theft Auto, c'était de la... T'sais? Donc, Jack Thompson, disons que pas mal toute l'industrie du jeu vidéo l'a profondément inséré dans un orifice. Voilà pour le bloc F5 jeux vidéo. Voici maintenant le top des jeux les plus loués au Super Club Vidéotron la semaine dernière. Position 10 à 6, rapidement. Mario & Sonic à The Olympic Games sur la Wii, Frontlines Field of War sur la 360, Assassin's Creed sur la 360, Super Mario Galaxy qui descend en masse sur la Wii, Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360, en 5e position Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la PS3, en 4e Army of Two sur la PS3, en 3e Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la Xbox 360, en 2e Army of Two sur la Xbox 360, et finalement, le jeu le plus loué la semaine dernière est, attention, Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Vous êtes à la connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Et Guild by Association de leur nouvel album Slick Dogs and Ponies. Maintenant, voici le bloc Cybercrime. Le bloc des nouvelles du monde, de tout ce qui est croche, de tout ce qui est pas correct, des criminalités, justice, des choses pas le fun. On commence par un homme de Jacksonville en Oregon qui a eu la surprise de sa vie en voyant sa maison dévalisée par des personnes qui répondaient à une annonce parue sur le site Craigslist. Samedi, le site de Craigslist en Oregon publiait une annonce dans laquelle son auteur Robert Salisbury disait offrir gratuitement tous les biens que contenait sa maison puisqu'il avait dû quitter subitement la région. Une femme venue chercher le cheval de Salisbury a eu des soupçons quant à la véracité oui, de l'annonce et a contacté l'homme qui travaillait à 40 km de là. Arrivé près de chez lui, Salisbury a d'abord croisé une camionnette chargée de son échelle, de sa tondeuse et de son coupe-bordure. « Je leur ai dit que j'étais le propriétaire, mais ils ont refusé de me rendre mes affaires », a confié l'homme au Mail Tribune, le journal local. Les passagers de la camionnette affirmaient avoir le droit de prendre ses affaires brandissant une copie imprimée de l'annonce. Une trentaine de personnes qui fouillaient sa remise et sa véranda l'attendaient chez lui, malgré le fait que Salisbury insiste pour que les gens partent. Tous croyaient que, puisque l'annonce avait été publiée sur Internet, il ne pouvait pas s'agir de canular. L'intervention de la police a été nécessaire pour disperser les gens. Comme le rapporte l'agence France-Presse, la police recherche les pilleurs qui seront poursuivis pour vol, sauf s'ils rendent les affaires. Beaucoup d'affaires ont d'ailleurs été rendues et la police dit travailler avec Craigslist pour trouver l'auteur de l'annonce. Craigslist est un site de petites annonces de n'importe quoi. On peut trouver pas mal n'importe quoi sur Craigslist. C'est américain et c'est divisé par secteur, par ville. Et finalement, on ne sait jamais ce que nos écrits sur Internet peuvent nous réserver. Vous avez peut-être lu ce dossier dans le Journal de Montréal cette semaine, même des mois plus tard. Un travailleur l'a appris à ses dépens après s'être vanté de jouer aux cartes sur ses heures de travail. Un jeune travailleur de la compagnie Montour de Blainville se vantait de sa paresse sur Internet et il en a payé de son emploi. Montour est une entreprise qui produit des épices industrielles et qui jouit d'une certification qui la démarque de la concurrence. Pour conserver cette certification, Montour doit observer des normes très strictes de nettoyage et de lavage de ses équipements. Or, la direction, d'octobre à décembre 2005, notait qu'elle avait dû effectuer 12 rejets d'épices à saucisses. Après enquête, on constatait que l'équipe de nuit responsable du nettoyage des appareils faisait mal son travail. Le directeur de l'usine visionnait une bande vidéo et réalisait que les trois membres de l'équipe avaient passé plusieurs heures à la cafétéria. La nuit suivante, il s'installait dans sa voiture et observait les allées et les venues. Vers 4h30 du matin, il entrait à l'usine et trouvait ses employés occupés à jouer aux cartes. Il les suspendait pour 2 semaines. 6 mois plus tard, un fournisseur de Saint-Hyacinthe l'appelait et l'informait de certains commentaires concernant Montour écrits par un individu au pseudonyme de Mushroom sur le site Club Hyundai Québec. Les commentaires dataient de mai 2004, donc 18 mois avant la partie de carte. Mushroom se décrivait en indiquant travailler pas fort pour beaucoup d'argent. Sur Internet, il ajoutait qu'il travaillait pour Montour et qu'il devait s'occuper du lavage des machines. Sur un chiffre, et là, il dit chiffre, mais bon, de 8 heures, je travaille 4 heures et l'autre 4 heures, je joue aux cartes, il n'y a pas de boss. La direction, constatant que les parties de cartes étaient régulières, congédiait Mushroom qui contestait en disant qu'il ne s'agissait que de vantardise. Dans sa décision, l'arbitre Pierre Saint-Arnaud donne raison à Montour. Même si les commentaires du forum de discussion sont survenus avant la suspension de 2005, Montour était en droit de sévir. Voilà pour le bloc Cybercrime, les nouvelles de tout ce qui est croche, de tout ce qui est illégal sur Internet, des choses vraiment pas correctes. Et c'est d'ailleurs la fin de la première heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans la deuxième heure, on va parler de justice. Oui, de justice. Et une deuxième partie du bloc cybercrime, pourquoi pas. Mais avant, voici une pièce de Jacques Mort. Elle s'appelle Âge de raison et ça commence maintenant. Ça vient de leur hippie d'anglais. On se retrouve pour la deuxième heure de La Connexion au 89.1 FM. Ça n'est jamais, ça c'est jamais de trop. Comme une mer qui m'inonde les mains. Viens-tu te noyer dans ses eaux. J'aurais enfin trouvé mon dernier repos. Comme une fièvre qui me glace les os. Viens-tu te noyer dans ses eaux. Sur la montagne, c'est vrai, sans rien n'est pareil. J'ai la

J'ai passé la note un peu là-dessus. Cybercrime, le bloc des nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui est croche, de tout ce qui est pas correct, là, dans l'informatique, dans les technologies. Depuis quelques jours, la compagnie Slysoft, basée à Antigua, affirme avoir réussi à briser toutes les barrières de protection des nouveaux DVD Blu-ray, dont, à l'origine, les concepteurs vantaient l'inviolabilité pour les 10 prochaines années. Slysoft a publié un communiqué de presse à cet effet. Il suffit qu'une technologie s'annonce comme étant à l'épreuve de tout pour que quelqu'un, quelque part, tente de prouver le contraire, dit Canoë.com. La compagnie Slysoft est reconnue dans le milieu des programmeurs rebelles ou pirates. La firme a mis sur le marché de nombreux logiciels comme clone CD et clone DVD. Très bon logiciel d'ailleurs. Des programmes capables de copier des programmes protégés. Le dernier logiciel de copie de la compagnie a pour nom AnyDVD HD. Dans son communiqué, la compagnie écrit, et je cite, « AnyDVD HD 6.4.0.0 est désormais capable de contourner la protection BD+, des derniers Blu-ray commercialisés, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses possibilités, sauvegarde sur disque dur de films commercialisés, réalisation de copies privées, des pratiques qui devraient faire frémir les grands studios. » La compagnie Slysoft souligne cependant que sa victoire n'est pas totale, et je cite, « Nous devons admettre que les DVD qui sont sortis jusqu'à présent n'ont pas complètement exploité toutes les possibilités du BD+, mais nous en attendons avec impatience les futurs développements. » Voilà. Certains s'offusqueront probablement d'une telle audace et d'un tel mépris pour les œuvres protégées. La vente de ces programmes de copie est d'ailleurs interdite dans plusieurs pays. D'autres y verront une victoire pour le consommateur. Plusieurs font valoir qu'une fois qu'un film est acheté, il est normal de vouloir en faire une copie de protection ou une copie à visionner sur un équipement mobile comme un baladeur, par exemple. Voilà le point principal de la chose. Il y a des raisons valables, selon moi, pour faire des copies de films comme ça, entre autres pour empêcher l'égratignement de votre disque original. L'hébergeur américain Network Solutions désactive un site créé par un leader d'extrême droite néerlandais pour la diffusion de films sur le Coran. C'est à la suite de plaintes que l'hébergeur américain Network Solutions a décidé de désactiver le site du leader d'extrême droite et fondateur du Parti de la Liberté, Geert Wilders. Wilders, qui comptait se servir de ce site pour diffuser son film Fitna, ou Épreuve en arabe, d'ici la fin du mois, aurait déclaré qu'il irait jusqu'à distribuer personnellement des copies de son DVD sur la place centrale d'Amsterdam, le Dam, où des milliers de personnes ont manifesté samedi contre la diffusion prochaine du film. Network Solutions a déclaré enquêter pour savoir si le contenu du site constitue une violation des conditions d'utilisation acceptables pour l'entreprise. C'est ce que rapporte l'agence Reuters. De son côté, l'Associated Press rapporte qu'un parti nationaliste tchèque a offert d'héberger le film sur un de ses serveurs. Le court-métrage d'une quinzaine de minutes veut démontrer que le Coran est un livre fasciste, entre guillemets. Avec ce film, Wilders affirme vouloir ouvrir les yeux de ses concitoyens sur des éléments misérables, entre guillemets, du Coran. En 2004, le réalisateur néerlandais Theo van Gogh avait été égorgé en pleine rue par un islamiste radical peu de temps après la sortie de son film Submission, consacré à la place de la femme dans la religion musulmane. L'Indonésie prévoit bloquer l'accès aux sites Internet à caractère pornographique et aux sites Internet violents grâce à une nouvelle loi sur l'information, selon l'agence Reuters. Et je cite, « Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas sauver cette nation en répandant de la pornographie, de la violence et de l'hostilité entre les groupes ethniques. » C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Information à un groupe de reporters. Sous la nouvelle loi sur l'information et les transactions électroniques, quelqu'un reconnu coupable de transmission de matériel pornographique, de fausses nouvelles et de messages haineux à caractère racial ou religieux sur Internet pourrait faire face à 6 ans de prison ou à une amende d'environ 109 000 $. L'Indonésie, qui est un pays de 220 millions d'habitants, a été le théâtre de nombreux débats sur la pornographie ces dernières années. Un autre projet de loi qui n'a toujours pas été voté proposait d'ailleurs dans ses premières versions d'interdire aux habitants de s'embrasser en public et de criminaliser plusieurs formes d'art à la limite de la sensualité. Le projet de loi décrié dans ce pays traditionnellement reconnu comme tolérant a été tempéré depuis. Vous pouvez lire l'article en anglais sur le www.unechance.com. On parle de Facebook pour les deux prochains articles. Une brèche dans la sécurité de Facebook causée par une récente mise à jour du site web a permis à des journalistes de l'Associated Press de télécharger des albums photos privés de plusieurs usagers du populaire site de réseau social, notamment son fondateur Mark Zuckerberg. La brèche avait été découverte par Byron Ng, un technicien informatique de Vancouver qui tentait depuis la fin de semaine dernière de trouver des failles à Facebook, dont le site a récemment été mis à jour pour améliorer certains réglages sur la protection de la vie privée. Selon la porte-parole de Facebook, Brandy Barker, la compagnie aurait réglé le problème une heure après avoir été mise au parfum par l'Associated Press. Et je cite, « Nous prenons la protection de la vie privée très au sérieux et nous continuons d'améliorer notre site. » Les derniers problèmes de Facebook rappellent que même si les images sont supposément privées, il peut être dangereux de publier des photos compromettantes de soi sur les sites de réseaux sociaux. Plus tôt cette année, d'ailleurs, MySpace, le concurrent de Facebook, avait également eu des problèmes permettant d'exposer des photos privées. L'article s'appelle « Problème de sécurité pour Facebook » sur le www.unechance.com, le www.unechance.com, le site de la connexion. Toujours à ce sujet-là, la sécurité des réseaux sociaux est parfois mise à mal. La preuve cette semaine avec le nouvel exemple de Baron Ng. Donc, apparemment, Baron aurait réussi à accéder à de nombreuses photos privées liées à d'autres comptes moins populaires que celui de Mark Zuckerberg. Et pour prouver ses exploits, il aurait aussi obtenu une photo privée du fondateur... pardon, je m'excuse, je répète la même chose, mais la chose, c'est ici, oui, voilà, qu'il a réussi à voler les photos privées de Paris Hilton. C'est la raison que j'avais pris cet article-là. Paris Hilton, c'est juste ça la nouvelle. Et finalement, la police d'Ottawa prévient la population de faire attention à un courriel frauduleux dans lequel un présumé tueur à gages réclame de l'argent de ses victimes potentielles, selon le quotidien Le Droit. Dans le courriel en question, l'expéditeur soutient qu'il a été engagé afin de tuer la personne qui reçoit le message. Il promet cependant de ne pas passer à l'acte si la destinataire lui envoie un certain montant d'argent. La police d'Ottawa affirme qu'elle a reçu plusieurs plaintes concernant le courriel en question qui circulerait abondamment depuis quelques jours. Elle n'a toutefois pas précisé comment l'expéditeur du courriel a ciblé ses victimes potentielles et combien d'internautes ont reçu le message. Les policiers d'Ottawa invitent les gens qui reçoivent le courriel à ne pas répondre à l'expéditeur car ils pourraient ensuite les cibler personnellement et leur proférer de nouvelles menaces plus détaillées. La police demande également aux personnes qui reçoivent le courriel du tueur à gage d'envoyer une copie du courriel à l'adresse suivante, fraud en anglais, donc sans le E, à ottawapolice.ca, ainsi qu'à l'organisme Fondbusters au info à Fondbusters avec un S.ca. Les autres corps policiers du pays, dont la Gendarmerie royale du Canada, ne font pas mention du courriel pour l'instant sur leur site internet en date de l'article. Voilà qui fait le tour pour le bloc cybercrime, les nouvelles de tout ce qui est croche, de tout ce qui est méchant, illégal ou n'importe quoi du genre. Maintenant, parlons de choses pas très gentilles. Voici le top des gens qui ont... pas des gens, mais des jeux qui ont été les plus trichés sur GameFAQs.com. Donc ça, c'est des gens qui ont été chercher des façons de jouer à leurs jeux et de les battre sans trop se forcer. En cinquième position, on retrouve Lost Odyssey sur la Xbox 360. En quatrième, on retrouve Rainbow Six Vegas 2 sur la Xbox 360. En troisième, c'est Pokémon Diamond sur la Nintendo DS. En deuxième, c'est Crisis Core FF... c'est Final Fantasy VII, oui, sur la PSP. Et en première place, le jeu le plus triché, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Et tout de suite, voici une pièce d'Antoine Corriveau, l'épave de son album Entre quatre murs à la connexion 89.1 FM. Antoine Corriveau avec la pièce L'Épave. C'est dans le palmarès francophone à La Connexion, émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et avant de se quitter pour une pause publicitaire, il reste encore une demi-heure de contenu. On va parler des nouveautés en magasin dans quelques minutes. Mais là, c'est notre quiz musical de la semaine, nommé le jeu suivant. C'est un jeu sur Nintendo GameCube, la réponse au retour à La Connexion au 89.1 FM. Je vous ai demandé de nommer ce jeu. Encore quelques secondes pour y penser. La réponse, Pikmin sur Nintendo GameCube. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission qui s'adresse à vous, vous les robots, pas les humains, les robots, trop compliqué pour les humains. Dans la dernière demi-heure, on va parler de nouveautés en magasin cette semaine et dans la chronique bientôt sur vos écrans, là, tout ça, ça s'en vient, tout ça, au complet, c'est n'importe quoi, ça s'en vient, mais pour l'instant, une bonne vieille pièce de nos amis au Pakistan. Cendrillon! Hey! Hey! Hey! Hein? Fais-moi donc une béchamel! Lave le poil après! Caramel, mortadelle, citronnelle, cannelle et miel, chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. Je suis la maîtresse de ma cuisine, t'es la maîtresse de ta cuisine, c'est moi qui mets à guiner sur le poil, c'est toi qui mets à guiner sur le poil. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le poil avec le chiffon. Cendrillon, lave le poil avec le chiffon. Cendrillon. Le plancher, je le cire à quatre pattes. Le plancher, elle cire à quatre pattes. Pour mettre la dinde, je me penche dans le four. Pour mettre la dinde, je penche dans le four. Je me pique pour vider le lave-vaisselle. Ah ouais? Ok, toi, en anglais, ma crise. Avec Cendrillon, lave le poil. Très, très bon. Leur album, c'est Espace Libidinal. à la connexion 89.fm. Maintenant, voici la chronique bientôt sur vos écrans. Les nouveautés qui s'en viennent en magasin ou sur vos écrans dans le futur. On commence par les nouveautés qui sont présentement en magasin. Commençons par les jeux multiplateformes. Sur PC et PSP, on retrouve Warriors Orochi. On retrouve aussi Obscure The Aftermath sur PC, PS2 et Nintendo Wii. Command & Conquer 3 King's Wrath de Electronic Arts est aussi disponible. Viking Battle for Asgard sur la PS3 et la Xbox 360. Et Dark Sector sur la PS3 et la Xbox 360. Sur Nintendo DS, on retrouve Harvest Moon DS Cute et Ninja Gaiden Dragon Sword. Sur PC, Tales of Pirates, Belief and Betrayal, Australia Zoo Quest, Sword of the Stars Collector's Edition et Aggression Reign Over Europe. Sur PlayStation 2, le jeu Naruto Ultimate Ninja 3. Sur PSP, Crisis Core Final Fantasy 7. Sur Nintendo Wii, Rebel Raiders, Operation Nighthawk, oui. Octomania et Opuna. Et finalement, sur Xbox 360, le seul et unique jeu, c'est Universe at War Earth Assault de Sega. 50 Cent lancera un nouveau jeu portant son nom. Et oui, après 50 Cent Bulletproof, ou 50 Cent comme il faut dire, le chanteur et acteur prêtera de nouveau son nom à un jeu vidéo intitulé 50 Cent Blood on the Sand. Développé pour Xbox 360 et PlayStation 3, 50 Cent Blood on the Sand vous permettra bien sûr de contrôler le célèbre 50 Cent à travers de nombreuses villes exotiques où vous aurez à combattre des criminels. Le jeu empruntera plusieurs éléments de Gears of War de Epic Games, incluant un personnage qui vous appuiera et qui pourra être contrôlé par un autre joueur ou bien par intelligence artificielle. Le jeu sera aussi développé avec l'engin Unreal Engine 3. 50 Cent Blood on the Sand, qui sera distribué par Vivendi Games, sera lancé cet automne. Serait-il possible de voir les franchises BioShock et Civilization faire le saut vers les jeux massivement multijoueurs? Selon le président de Take-Two Interactive, il s'agit de possibilités pour la firme. Strauss Zelnick, a ainsi évoqué ses opportunités potentielles lors du 2008 SMID Cap Conference. Il ne s'agirait toutefois pas des seules possibilités qu'étudie la compagnie américaine en ce moment. En effet, Take-Two pense notamment à porter BioShock vers le grand écran ainsi que sur les téléphones portables. Il ne serait pas étonnant de voir ces projets se concrétiser, surtout pour BioShock. En effet, Take-Two a déclaré l'an dernier que suite au succès du premier jeu de la série, elle compte maintenant faire de celle-ci une franchise à succès. Après BioShock 2, peut-être verrons-nous un jeu massivement multijoueur de cette série. L'article vient de Hardgamers via shocknews.com. Ubisoft a annoncé la date de sortie du jeu Far Cry 2 à travers une vidéo sur la production de ce dernier. Ainsi, le prochain opus de la franchise Far Cry sera lancé l'automne prochain sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Développé par Ubisoft et non par Crytek, Far Cry 2 vous permettra de reprendre le contrôle du protagoniste du premier jeu afin d'explorer le continent de l'Afrique. Vous y retrouverez un monde ouvert offrant une expérience non linéaire et surtout bien distincte par rapport à son prédécesseur. Bonne nouvelle pour les amateurs de la franchise Fallout. Le troisième opus de cette dernière est pratiquement complété. En effet, au cours d'une entrevue avec le magazine OXM, le producteur exécutif du jeu a annoncé que Fallout 3 est pratiquement terminé et qu'il ne reste qu'à corriger les bugs du jeu et à polir davantage ce dernier. D'ailleurs, Howard a profité de cette occasion afin d'informer ceux attendant avec impatience ce jeu que celui-ci comprendra pas moins de 200 fins et qu'il totalisera plus de 100 heures de jeu. De quoi vous occuper très longtemps. Fallout 3 est prévu pour cet automne sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Pendant que le jeu Rock Band profite de ventes extraordinaires autant sur PS3, PS2 et Xbox 360, les possesseurs de Nintendo Wii se sentaient un peu délaissés de ne pas faire partie de cette révolution. Eh bien, Harmonix, EA et MTV Games annoncent donc une version pour la console Nintendo Wii, version qui devrait paraître en juin. Le jeu sera vendu pour $170 et contiendra le jeu, un ensemble de batteries, un microphone et une guitare sans fil. Le jeu ne viendra pas avec un Microsoft. Cependant, comble de malheur, le jeu ne contiendra ni un mode en ligne, ni du contenu téléchargeable, ce qui fait la popularité de la version PS3 et Xbox 360. En effet, le jeu niveau contenu devrait s'approcher plus de la version de son cousin sur PS2. Peu importe, il est plaisant de voir que malgré ça, les joueurs de la Wii pourront se réjouir sur 5 nouvelles chansons supplémentaires, portant donc le nombre total à 63, dit jeuxexpress.com. Même si Sega avait déjà annoncé qu'elle apporterait ses jeux classiques de Master System sur la Virtual Console de la Nintendo Wii, ce n'est que récemment que nous avons appris quels seront les premiers jeux à sortir. On en parlait un peu plus tôt, mais je vous le rappelle quand même. Wonder Boy, un jeu de plateforme à la Mario Brothers, et Fantasy Zone, un jeu de tir en 2D, qui seront effectivement les premiers à être lancés prochainement sur le service de distribution de Nintendo. Il est important de noter qu'à 400 points, ils seront les jeux les moins chers offerts jusqu'à maintenant. à 400 points. Ils viennent donc battre le prix des jeux de NES et de Commodore 64. Ça donne 4$, environ 400 points. Un article de jeuxvideo.com qui nous dit « Voilà des images qui sortent de nulle part, mais qui courent sur la toile depuis la fin de semaine dernière. Très vraisemblablement tirées du prochain Sonic sur PlayStation 3 et Xbox 360. Elles sont aussi accompagnées d'une vidéo de qualité moyenne. » Que vous pouvez voir d'ailleurs en suivant le lien de l'article sur lunechance.com. C'est, ma foi, plutôt excitant. Ces gars devraient réagir rapidement pour confirmer ou pas l'origine de ces éléments. En fait, l'article date quand même du 24 mars. Je me rappelle pas d'avoir vu quelque chose de plus récent, mais allez voir les photos. Ça a l'air assez véridique, contrairement à Wario Woods. Il y a des photos de Wario Woods pour le service WiiWare de la Nintendo Wii, le service qui vous permet de télécharger des jeux nouveaux, et non pas de consoles anciennes, mais des nouveaux jeux sur votre console Wii. Les photos de Wario Woods sont pas des vraies, en fin de compte. On a appris que c'était des fausses photos. Ne vous fiez pas à ça. Voilà. Contrairement à Sonic, là, on ne sait pas encore. En tout cas, je vais vous tenir au courant la semaine dernière si jamais il y a des développements là-dessus. Donc, fait le tour pour le bloc de nouvelles, de jeux qui s'en viennent bientôt en magasin ou bientôt sur vos écrans. Voilà. Voici maintenant le top des jeux et des consoles les plus vendus au Japon pour la semaine du 10 au 16 mars selon l'institut japonais Media Create. En 5e, Dynasty Warriors Gundam Special sur PS2. En 4e, c'est Smash Bros. Brawl sur la Wii. En 3e, Wii Fit sur la Wii. En 2e, Yakuza 3 sur la PS3. Et en première place, c'est DS Calligraphy Training sur la Nintendo DS. Côté console, en 3e, la Nintendo DS. En 2e, la Nintendo Wii avec presque 56 000 ventes. Et en première place, la PSP avec 57 651 ventes. Dommage que la Nintendo DS ait baissé comme ça pour la semaine du 10 au 16 mars. Maintenant, voici le bloc F5 technologique. Les nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui n'est pas informatique et jeux vidéo, mais bien dans le monde global des sciences et technologies. La police de Miami pourrait être la première à utiliser un drone, un appareil volant sans pilote, autonome ou semi-autonome, équipé de caméras et de capteurs de toutes sortes. Si les autorités réglementaires donnent leur aval à l'appareil, celui-ci sera utilisé pour survoler différentes parties de la région. Fabriqué par la compagnie Honeywell International, le drone en question pèse un peu plus de 6 kg, se transporte dans un sac et peut décoller et atterrir à la verticale. Selon un porte-parole de la police de Miami, le drone sera utilisé lors de situations particulières et je cite « Cet équipement pourrait être très utile, notamment auprès de notre équipe SWAT, lors de prises d'otages ou lorsqu'un individu barricadé refuse de se rendre. L'appareil constituera une paire de yeux supplémentaires. » En fait, la police de Miami n'est pas la seule à s'intéresser à ce genre d'équipement. Plusieurs corps policiers et agences gouvernementales américaines utilisent déjà des engins semblables, par exemple pour surveiller la frontière du Mexique ou celle du Canada. Le FBI a déjà utilisé ce genre d'appareil sans pilote à toutes sortes de fins et continue à les mettre à l'essai de façon régulière. La Federal Aviation Administration, qui régit l'aviation civile, tarde à donner son accord à l'utilisation de ces robots volants. Un des responsables des drones à la FAA explique les hésitations de l'organisme réglementaire comme suit, et je cite... Nous ne voulons surtout pas que ce type d'appareil tombe, par exemple, par mégarde sur la voiture d'une femme qui se rendrait tranquillement faire ses emplettes à l'épicerie. Il existe actuellement différents types de drones destinés aux corps policiers. La compagnie Cyber Defense System fabrique un appareil de seulement 3,5 kg. Les dirigeants de la compagnie affirment que l'appareil a fait ses preuves et qu'il a été utilisé avec succès avant que la FAA ne se mêle du dossier. Et le département américain de la justice a donné le feu vert lundi dernier, au rachat de XM Satellite Radio par la société rivale Sirius Satellite Radio au prix de 5 milliards de dollars US. Vous avez peut-être entendu la nouvelle, jugeant improbable que l'entente aille à l'encontre des règles de concurrence et des intérêts des consommateurs. La transaction a été approuvée en dépit de l'opposition de groupes de consommateurs et d'une campagne de lobbying menée par le secteur de la radio terrestre. Le rachat avait déjà été approuvé par les actionnaires en novembre. Les entreprises ont affirmé que la fusion leur permettrait d'épargner des centaines de millions de dollars de coûts d'exploitation, économie donc dont profiteront éventuellement les auditeurs. Dans un long communiqué de presse émis afin d'expliquer leur décision, le département de la justice a affirmé que les deux entreprises se faisaient concurrence non seulement entre elles, mais aussi avec d'autres formes de radio et de culture. Les partenaires canadiens des deux entreprises continuent de fonctionner séparément l'une de l'autre. XM Canada est affilié à XM Satellite Radio Holdings et Canadian Satellite Radio Holdings. alors que Sirius Canada est un partenariat entre la société d'État CBC, l'entreprise privée Standard Radio et la société américaine Sirius Satellite Radio. Voilà qui fait le tour pour le bloc F5 Technologie. Maintenant, ben, je crois que ce serait un bon moment pour faire le Warp. Qu'est-ce que c'est le Warp? C'est un retour en arrière dans l'histoire de la connexion. Commençons il y a 4 ans, presque exactement, le 30 mars 2004. Le sujet principal, c'était Windows Longhorn, première version de test qui était prévue pour l'année 2004. Hein? Les choses ont changé. En 2005, le 24 mars, on parlait de Yahoo qui augmentait sa capacité pour ses courriels pour concurrencer le nouveau gigaoctet de Google avec Gmail. À ce moment-là, on est déjà rendu au-dessus de 6 gigaoctets chez Google alors que Yahoo est passé à une version illimitée de ses courriels. On parlait aussi de 14 millions de fils de Xbox qui devaient être rappelés à cause de surchauffement. Donc ça, c'était en 2005. En 2006, à la connexion, le 30 mars, on parlait des jeux de la Nintendo Révolution à l'époque, maintenant la Nintendo Wii, qui allait se vendre au même prix que ceux de la Nintendo GameCube. Et on parlait aussi du 30e anniversaire de Apple. En 2007, l'an dernier, le 29 mars, on parlait de menaces de mort contre une blogueuse américaine et de nouvelles assez cocasses. Troquez votre arme contre une Xbox à Mexico. Donc, c'était ce qui se passait il y a 4, 3, 2 et 1 an ici à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, ben, subtilement comme toujours, passons à notre chronique Gogo Gadget. Go, gadget à faire! Gadget au chapeau, go, go. Gadget au poing, qui c'est élastique au gadget. Quelques gadgets qui m'ont surpris ou disons qui m'ont charmé sur le site ogizmo.com. On commence par combien de fois dans votre vie est-ce que vous avez voyagé comme ça, un long voyage de voiture, et là vos gadgets ont manqué de batterie? Hein, que ce soit votre lecteur MP3, votre lecteur CD, n'importe quel appareil qui peut être rechargé par USB. Et bien, voilà un nouveau gadget. En fait, c'est un gadget sur ogizmo.com qui charge vos gadgets par USB. Donc, vous branchez ça dans l'allume-cigarette, vous branchez vos appareils USB là-dedans et ça fonctionne. Ça coûte seulement 12$. C'est gadgetforall.com qui est le site pour acheter ça. Mais allez voir l'unechance.com pour tous les détails et pour lire l'article complet. C'est 4 ports USB. C'est très, très génial. Pas cher en plus. Donc, voilà, une petite trouvaille assez sympathique. Ensuite, un autre gadget bien intéressant, c'est un appareil pour faire des muffins, des muffins anglais et des œufs dans le même appareil qui ressemble à un grille-pain. Voilà, ça va au-delà du pain tranché. C'est le TEM 4500 Egg and Muffin Toaster. En 4 minutes, il peut pocher ou bouillir 2 œufs à la perfection tout en faisant griller 4 tranches de pain ou des bagels ou des muffins anglais, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, jusqu'à extra large. Vous avez différentes grandeurs d'ailleurs de place où mettre vos tranches. Ça coûte environ 60$ chez Amazon.com où vous pouvez vous acheter le TEM 500. Il n'y a seulement que 2 emplacements pour vos rôtis et seulement un œuf pour environ la moitié du prix. C'est quand même approprié. Quand on divise le tout en deux, c'est via Housewares. About Housewares. Ensuite, ça me marque toujours. C'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup quand quelque chose parle de Mario. C'est des toutous en forme de Goomba, d'étoiles et de blocs point d'interrogation. Donc, vous pouvez acheter tout ça. Et l'étoile même qui fait un bruit d'étoile, n'est-ce pas génial? Et puis, le Goomba, quand tu t'approches dessus, il fait le même bruit qu'un Goomba ferait en mourant. N'est-ce pas génial? Je trouve que le point d'interrogation fait la même chose. Donc, allez voir Plush Mario Sound Bops. C'est sur le unechance.com. L'article s'appelle Goomba Plush Just Begs to be Stomped On. Unechance.com, encore une fois. Le poisson d'avril s'en vient, 1er avril, partout dans le monde. Et puis, si vous êtes un petit blagueur, hein, pourquoi ne pas brancher cet appareil dans le port USB de votre ami? Et après un certain moment désigné, c'est vous qui choisissez, il va commencer à faire bouger le curseur de votre souris, de leur souris, et taper du texte au hasard. Hein? Ça va faire peur à pas mal tout le monde, ça. 25$ pour rire, comme ça. C'est via ThinkGeek. L'article s'appelle « Phantom Keystroker is perfect for April Fool's Day » sur lunechance.com. Comment vous réveiller comme un super espion? J'en parle souvent des cadrans. J'aime beaucoup les cadrans. Je suis un fan de cadrans à la collection. J'en parle souvent dans la chronique Gogo Gadget. Cette fois-ci, pour les gens qui ont de la misère à se réveiller, qui font tout le temps un snooze, ça prend comme une heure à se réveiller. Et j'en suis coupable. Ça prend au moins une heure et demie à me réveiller le matin. Celui-là va vous ouvrir une lumière, OK? C'est fait comme une affaire d'espion, OK? À gauche, t'as 3 lumières, bleu, rouge, jaune. Et à droite, 3 fils, bleu, rouge, jaune, encore une fois. Ainsi qu'une horloge, évidemment. Donc, ce que vous allez faire, avoir à faire, c'est simplement de brancher le câble qui correspond à la lumière qui est à gauche. Donc, vous allez vous sentir comme un agent secret. Vous allez devoir penser, ce qui fait que vous allez vous réveiller. Vous n'aurez pas envie de vous rendormir. Ça coûte 60$. C'est Audio Cubes via Uber Gizmo sur logizmo.com. Passez par lunechance.com. Trop d'adresses à retenir. Juste lunechance.com, ça fait l'affaire pour tout le monde. Et finalement, un collier qui va vous donner peut-être un mot de tête, parce que vous savez, des fois que vous allez sur Internet, les images ne s'affichent pas. Et il y a un beau petit, une belle petite feuille avec un petit peu déchirée qui s'affiche à la place de l'image. Vous vous rappelez sur Internet, un collier avec ça dessus. Hein, c'est pas génial? Hein, assez pour, ça dit ici, assez pour étrangler quelqu'un. 17 pouces de large. 20$ chez thinkgeek.com. Broken Image Necklace. J'en veux deux. Ça peut aussi être le nom de la chronique. On va passer à une petite pause musicale minuscule, question de reprendre mon souffle et de faire un bloc autour du net juste après. Pour l'instant, voici une pièce de téléphérique. Elle s'appelle Lego System et on l'écoute à l'instant à la connexion au 89.1 FM. La rue s'éveille, j'entends ses cris. Le jour me lève, me change et me revêt. Personne ne regarde autour de lui. Téléphérique avec la pièce Lego System, c'est de leur album Le Fil Conducteur à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, parlons de ce qui se passe autour du net. On commence par un site qui s'appelle SealedGameHeaven.com. En fait, c'est un site pour les gens qui collectionnent des jeux scellés, hein, des jeux dans leur emballage original. Toujours intéressant d'entendre parler, aller voir le SealedGameHeaven.com. Ensuite, sur le site de FourColorRebellion.com, il y a une invitation de mariage. Le gars Vink, un des gens qui écrit pour un des gars qui écrit pour le site, a fait une invitation de mariage avec des Mii. Vous savez, les petits personnages qu'on peut créer avec une Nintendo Wii en son effigie. Et puis sa femme a accepté ça, Misako, sa femme a accepté qu'il fasse cette carte-là. Donc c'est leur carte officielle, ils ont envoyé ça à tout le monde. Et leur mariage, c'est le 29 mars, allez voir ça, c'est très très mignon. Une publicité pour le PlayStation Network. Il y a beaucoup de publicités qui sont très bonnes de la part de Sony et de leur PlayStation. Allez la voir sur le lien sur lunechance.com. C'est via hellolove.tv. Il y a aussi une version sur YouTube si vous cherchez PlayStation Network. Mais en même temps, les liens sont sur lunechance.com. C'est toujours beaucoup plus facile comme ça. Ensuite, sur Google Maps, le Street View, vous savez, Street View, c'est la vue de la rue. Sur Google Maps, vous pouvez voir exactement des photos de la vue pour savoir de quoi a l'air le quartier. Apparemment, sur Google Maps, ils ont réussi à attraper quelqu'un au hasard qui échangeait de la drogue contre de l'argent dans une automobile. Donc, c'est quand même vraiment cool. Allez voir ça sur lunechance.com. Tetroid 2012, qui est en fait de la musique basée sur Tetris. Donc, on voit un genre de clone psychédélique de Tetris avec des références à Mr. Driller et Arkanoid en même temps. Avec 21 artistes musicaux. La programmation faite par Toxi, c'est très très très beau. Allez voir ça, c'est via YouTube, mais le lien est sur lunechance.com comme toujours. Une vidéo qui fait le tour d'Internet en ce moment, c'est la Pequeña Hillary Clinton. C'est une personne de petite taille, qu'on appellerait une naine, qui personnifie ou imite Hillary Clinton. Vraiment drôle de style, bizarre, on dirait un travesti, je sais pas trop de la façon qu'elle est déguisée. Allez voir ça, ça pingue. que je voulais vous dire de même. C'est ça. La Pequeña Hillary Clinton. Il y a même la suite Machine y la Pequeña Hillary Clinton. On la voit danser. Vidéo d'une minute. Allez voir ça, YouTube. I Guess You'll Do, mon vidéo préféré de la semaine. J'en parle rapidement. I Guess You'll Do, c'est un court-métrage d'environ 4 minutes. C'est une fille qui raconte l'histoire d'elle, qui rencontre un gars dans un bar. Et puis là, l'histoire se suit. Elle raconte tout le reste de leur vie, dans le fond. Je vais faire semblant de t'aimer. Je vais faire ci, ça. Je vais faire semblant. On va avoir des enfants, une maison, on va mourir. En tout cas. Dur à décrire, fait avec des crayons à la main, en stylo, en tout cas crayon feutre. Très beau, très drôle, ça porte à songer, ça fait penser. I Guess You'll Do, youtube.com, très très beau, youtube.com aussi. Le site Photoshop Disasters, vous avez certainement entendu parler de ça, mais j'ai comme redécouvert et j'ai regardé au complet. C'est des modifications par Photoshop qui ont comme tourné mal, qui ont viré mal. Tu sais, c'est affreux, mettons genre... Un exemple comme ça, Photoshop une fille qui est vraiment grosse une fille vraiment mince et là il montre le avant-après. Ou une erreur sur le site d'Apple où il y avait Mary J. Blige en couverture, mais la réflexion, vous savez, Apple fait peut-être des réflexions, c'était écrit Macy Gray. Ou bien ils ont coupé la tête d'un gars dans une autre photo. Ou bien ils ont mal fait leur affaire. En tout cas, c'est vraiment drôle. Allez voir le photoshopdisasters.blogspot.com, toujours intéressant. Et puis je crois que ça va être pas mal la fin pour ça. Mais il y a aussi Asshole Mario. J'ai redécouvert Asshole Mario. Ça date de là un an, ça. Mais c'est Mario version extrêmement difficile. Le gars a fait jouer ça à son ami. Et le gars est vraiment très très bon. Ça il prend plusieurs fois. Et il nous montre dans la vidéo chacune des fois qu'il a raté. Il y a comme une dizaine de niveaux dans le Mario 1, qui est Mario World. Mais lui, il l'appelle Mario 1. Et Mario 2, qui est encore Mario World, la deuxième série. Une autre dizaine d'épisodes. Allez voir ça. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, j'ai passé au-dessus de 2 heures hier. J'ai perdu mon temps. Regardez ça pendant 2 heures. Asshole Mario. Sur YouTube. Puis encore quelques petites secondes pour parler du top 10 des cascades de Jackie Chan. C'est sur Figo.com, unechance.com pour le lien. Un truc bonus maintenant, comment enlever les merdes qui sont installées après que vous ayez installé SP1 sur Vista. Windows Vista, Vista SP1, le petit pack de mise à jour, ça installe des trucs sur votre disque dur. Il y a un truc pour les enlever. Très simple, allez voir l'article. Et puis le top 10 des stands d'ordinateurs portables à faire vous-même, avec différentes affaires que vous trouvez dans votre maison. Là, je fais le tour pour la connexion, j'ai plus le temps. Pause d'écoute, palmarès c'est fou, connexion, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye, bonne chance, salut! Oh, dash dot dash dot dash dot com.